وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، on continue avec notre livre, les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté du Cheikh Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz rahmallah azajal. Et on est arrivé donc ici au Dars Thani, deuxième cours ou deuxième leçon. Donc la leçon numéro 2 est Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa kayfa dhalika bi sharhi ma'aniha مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. Donc témoigner que nul est en droit d'être adoré si ce n'est Allah, donc la ilaha illallah, et que Muhammad est le messager d'Allah. Expliquer le sens de cette attestation et exposer les conditions de sa validité. La ilaha, c'est nier tout autre qu'Allah, donc le droit à l'adoration. Donc nier à tout autre qu'Allah le droit à l'adoration. Et ilaha, c'est informer, ou plutôt affirmer, que seul Allah, unique et sans associé, mérite l'adoration. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الدرس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولعلنا نتناول المراد على النحو التالي. L'auteur qu'Allah le protège mentionne dans cette leçon la double attestation de foi, et nul n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah et Muhammad et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'étude de cette leçon se voit en abordant les points suivants. أولاً مكانتها ومكانتهما هاتان الشهادتان هما ركن الأول من أركان الإسلام. فقد روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. الحديث rapporté par البخاري مسلم تلميذي أحمد. Donc premièrement, le noble degré de l'attestation de foi. Cette double attestation est le premier des cinq piliers du saint. En effet, Ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, l'islam est bâti sur cinq piliers. L'attestation que nul n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du mois du ramadan et le pèlerinage à la Mecque pour qui en a les moyens. L'attestation de foi, donc fa kalimat al-tawhid hiya asas al-din وحسنه الحصين وهي أول واجب على العبد وقبول جميع الأعمال متوقف على النطق بها والعمل بموجبها. L'attestation de foi, kalimat al-tawhid, est le fondement de la religion et sa citadelle la plus fortifiée, et elle est le devoir le plus primordial de tout être humain, et les actes ne sont agréés par Allah qu'à la stricte condition de prononcer cette attestation et d'agir conformément à ce qu'elle implique. Thaniyan ma'naha, deuxièmement, sa signification. La ma'bouda bihaqin inallah, donc point de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Wa la yajuzu an yuqal la khaliqa illallah أو لا موجود إلى الله أو لا رازق إلى الله لأمر منها. Et il n'est pas permis d'affirmer de cette parole que cette parole donc signifie point de créateur si ce n'est Allah. Comme le font donc plusieurs personnes ou plusieurs groupes lorsqu'ils appellent les gens à Allah Azza wa Jal et qui expliquent la ilaha illallah, ils s'arrêtent à Rububiya et donc délaissent la définition de l'Uluhiya. Et il n'est pas permis d'affirmer que cette parole donc signifie point de créateur si ce n'est Allah ou point d'être existant si ce n'est Allah, afin de ne pas arriver à Wahdat al-Wujud et autres, afin de ne pas arriver donc à donc la, l'entité ou l'unité donc dans l'existence, ou bien point de pourvoyeur si ce n'est Allah. Ceci pour diverses raisons. Nous nous contenterons d'en citer qu'une, à savoir, donc ici, أن الكفار قريش كانوا لا ينكرون أنه لا خلق إلا الله ومع ذلك لم ينفعهم ذلك. Donc la raison ici, et parmi les points donc ici, c'est que les mécréants de la tribu de Quraysh ne niaient pas le fait qu'Allah était le seul créateur. Mais cette croyance ne leur fut d'aucun secours. وأنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم قولوا لا إله إلا الله. Donc il leur demande donc et c'est pourquoi ils ont réprouvé le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم leur demande de dire لا إله إلا الله. ونحن نعجب في هذا الزمان مما يقولون لا إله إلا الله يعرفون معناها ويدعون مع الله غيره من الأولياء وأصحاب القبور ويقولون نحن موحدون والله مستعان. Or il est étonnant de voir aujourd'hui des personnes qui prononcent la formule La ilaha illallah sans en connaître la signification et qu'ils associent donc ils associent à Allah donc des saints et autres occupants de temples dans l'adoration tout en prétendant être des monothéistes. Et c'est à Allah seul que nous apporterons le secours. Thalithan arkanuha. Troisièmement, ses piliers. Donc les piliers de l'attestation de foi. Shahada ruknan. Awwal, rukn al-awwal an-nafi fi qawlihi la ilaha. والثاني إثبات في قوله إلى الله. Premièrement, la négation qui se limite au terme La ilaha, point de divinité en droit d'être adoré. Deuxièmement, l'affirmation se limitant au terme إلى الله, donc si ce n'est Allah. فلا إله نفت الألوهية عن كل ما سوى الله. Donc le terme La ilaha nie tout droit à l'adoration pour autre qu'Allah. Et Allah أثبت الألوهية لله وحده لا شريك له. Et Allah affirme le droit à l'adoration pour Allah seul et sans associé. Rabi'an, quatrièmement, Fadlu la ilaha illallah. Donc, les bienfaits de la ilaha illallah. Inna fadla la ilaha illallah, shayun la yuhitu bihi fikrun. Donc, les bienfaits de la ilaha illallah sont des choses que la pensée ne peut englober. Wa la yursihi qalamun. Et nulle plume ne peut le décrire et aussi bien donc contenir tout ce que l'on retrouve dans la ilaha illallah. Wa mahma qil anha fa huwa ghayd min al-fayz. Et tout ce qu'on pourrait dire sur la ilaha illallah, ce ne sont que des choses sur beaucoup. Bal nuqtatun min bahrin. Mais c'est plutôt donc une goutte d'eau face à la mer, face à un océan. Fahia aslul milla. Et cette prononciation est l'origine de la religion. Wa awwalul wajibat. Et la première des obligations. Wa awjabul ma'murat. Et c'est l'ordre, donc le plus confirmé et le premier. Donc ici c'est un ordre le plus important. Wala takun kadhalik wa hiya kalimat allati qamat biha al-ard wa as-samawat. Donc comment elle ne serait pas comme ça alors que c'est bien la parole à partir de ou pour laquelle les cieux et la terre ont été bâtis. وفطر الله عليها جميع المخلوقات. Allah a donc créé les gens par la saine nature, tout le monde, donc toute la création est créée par la saine nature à travers cette parole. وعليها أسست الملة. Et à partir d'elle, donc la religion a été bâtie. ونصبت القبلة. Et la qibla a été posée donc à l'endroit de Mecca pour justement donc cette parole là وجودت السيوف الجهاد. Il y a eu des combats par rapport à cela. وهي محض حق الله على جميع العباد. Et c'est le droit d'Allah exclusif, le droit exclusif envers toutes ses créatures. وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية. Et c'est aussi la parole qui protège donc du sang, des biens et de la descendance sur, dans la vie d'ici-bas. Et elle sauve du châtiment de la tombe et du châtiment du feu. Et c'est celle qui se propage. Et c'est celle qui a été donc annoncée. Et donc personne n'entre au paradis que par elle, que par cette prononciation. والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه. Et la hanse et la corde qui t'amène, qui te lie, et c'est la seule corde qui va te lier à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui ne va pas, donc quoi, ne va pas arriver à Allah s'il ne s'accroche pas à cette corde et aux causes de cette corde. وَهِيَ الْكَلِمَةُ الْإِسْلَامِ. وَهِيَ كَلِمَةُ الْإِسْلَامِ. C'est la parole de l'islam. وَمِفْتَاحُ الدَّارِ السَّلَامِ. Et la clé de la maison du salut, الْجَنَّةِ. وَبِهَا تَنْقَسِمُ النَّاسِ إِلَى الشَّقِي وَالصَّعِيدِ. Et à partir donc d'elle, les gens se divisent en bienheureux ou malheureux et bienheureux. Wa maqbul wa tarid. Ceux qui ont été acceptés et ceux qui sont rejetés, expulsés. Wa biha infasalat ad-dar al-kufr min dar al-islam. Et à partir d'elle, donc les endroits du kufr et les endroits de l'islam ont été donc séparés. On les connaît. وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان. Et a été différenciée la demeure de la grâce ainsi que la demeure donc de ici donc du malheur et de l'avilissement, le paradis et l'enfer. وهي العمود الحامل للفرد والسنة. Et c'est le pilier qui porte ce qui est obligatoire et ce qui est sunna, surérogatoire. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Et celui dont la dernière parole est la ilaha illallah entrera au paradis. Et ça c'est une parole de notre Imam Rahimahullah dans Dawa Dawa, page 301. Donc la ilaha illallah هي الكلمة التي أرسلت أرسل الله بها رسوله. La ilaha illallah, c'est la parole avec laquelle Allah a donc envoyé ses envoyés, donc ses prophètes et ses envoyés. وَأَنْزَلَ بِهَا كُتُبَهُ. Et il a descendu avec cette parole ses livres. وَمِنْ أَجْلِهَا خُلِقَتْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Et pour cette parole, la dunya, la vie d'ici-bas, donc la vie d'ici-bas et l'au-delà ont été créés. Wa janna wa nar, et le paradis et l'enfer. Wa biha yukhadhu al-kutub bil yamin aw shimal. Et à partir de cette parole, donc les livres, les registres, yom al-qiyama, donc le jour dernier, seront tenus ou par la droite ou par la gauche. Donc elle va quoi? Alourdir la balance ou elle va l'alléger. Et pour cela, pour cette parole, Allah a quoi? A pris le pacte. Il y a un pacte. وعليها الجزاء والمحاسبة. Et pour elle, il y a la récompense et les comptes. وعنها السؤال يوم التلاق. Donc il y aura la question, السؤال, le jour où les gens donc, vont se rassembler, vont se rencontrer. Il y aura السؤال où tout le monde va être réuni au même endroit. La question. وهي الكلمة كلمة الشهادة. Et c'est la prononciation de l'attestation. Et la clé de la maison du bonheur. Et cela, l'origine de la religion et sa base. Et c'est la tête donc de tout ce, c'est-à-dire de tout ce qu'il y a dans la religion. Et aussi, donc c'est aussi le tibia de l'arbre. Al-amoud, donc le pilier, c'est-à-dire c'est qu'on dit saqhu, donc le bas de l'arbre, et son pilier, il est solide le bas. Un arbre, le bas, il est... Donc c'est à partir de lui que se repose l'arbre. C'est-à-dire que c'est à partir de cette parole que se repose la religion d'Allah Azza wa Jal, et ses œuvres. Wa amoud sultani. Wa baqiyatu arkan ad-din wa fara'iduhu mutafarriga anha. Et tous les autres piliers d'Islam, ainsi que ses obligations, découlent de cette parole. Et, son, et en sont le soubassement. Mukammilat laha. Elles vont compléter cette parole. Muqayyada bi iltizam ma'naha wal 'amal bi muqtada. Elles vont aussi quoi donc elles vont compléter donc comment on a dit cette parole là et elles sont régies donc par le fait qu'on est obligé de suivre donc son sens. Elle a un sens. Elle a des conditions, elle a un sens. Et on est obligé de quoi? D'être conforme à cela. Et de mettre en application ce qu'elle comprend et comporte. Et cette parole, donc, on la retrouve dans Ma'arij al-Qabul de Sheikh Hafid al-Hakami, rahmahullah. Wa yakfi annaha shahadat al-uzma. Wa annaha yani shahadat al-uzma. Yakfi. Cela nous suffit que c'est la grande attestation. أي شهادة أعظم من شهادة التي شهد بالله لنفسه شهد الله بها لنفسه فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Donc cela suffit de voir que Allah عز وجل a attesté de cette attestation pour lui-même, comme quoi c'est la plus grande attestation. Allah témoigne qu'il est donc qu'il est donc nulle divinité par lui et les anges et les gens de science sont justes dans la voiture, ils sont droits, ils sont justes dans la voiture. La ilaha illahua, nulle divinité par lui, le puissant, le sage, El Aziz El Hakim. Wa qad ja'at ayat kitab El Aziz mubayyina an 'azim fadliha. وشريف مكانتها وأسوق جملة من ذلك فيما يأتي. Et des versets du livre d'Allah Azza wa Jal viennent montrer clairement le grand et les grands bienfaits de cette parole et sa noble place dans l'islam, sa noblesse dans l'islam. Et nous allons lire ensemble donc quelques versets par rapport à ce, cette noblesse. Par rapport à la ilaha illallah, cette ma'na. Premièrement, awwalan, annaha kalimatullahi al-'ulya al-warida fi qawli ta'ala wa kalimatullahi hiya al-ulya. C'est donc la parole la plus haute qui est mentionnée dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans la traduction ici relative, et la parole d'Allah est la plus haute. Et la parole d'Allah est la plus haute. Comme a dit Ibn Abbas, wa kathirun min al-mufassirin. Donc Ibn Abbas et beaucoup de exégètes l'ont dit. Beaucoup d'exégètes l'ont dit. Deuxièmement, وهي دعوة الحق في قوله تعالى له دعوة الحق كما قال ابن عباس وقتادة وابن زيد وغيرهم. C'est donc la da'wa, la prêche de la vérité. دعوة الحق, l'appel à la vérité, l'appel de vérité. Et Allah le dit et il possède donc l'appel de vérité. Et Ibn Abbas, Qatada, Ibn Zayd et d'autres ont dit que c'était la ilaha illallah. Wahiya, troisièmement, wahiya al-kalima al-tayyiba fi qawli ta'ala alam tara kayfa daraballahu mathala ka kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba asruha thabit wa faruha fi sama'. Et c'est la bonne parole aussi. Donc nous sommes toujours avec le sens de la ilaha illallah. Ne vois-tu pas comment Allah donne un exemple en comparant la bonne parole à un bon arbre? Son origine est solide et ses fruits, hein, donc ses soubassements vont vers les cieux. Car là, il est Allah, c'est quelque chose de solide. Et comme la personne l'a concilité, ses œuvres sont bonnes et elles sont acceptées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faroua fi sama. Elles vont vers Allah subhanahu wa ta'ala. Elles sont agréées, acceptées, bi'idhnillah azza wa jal. Qui a dit cela? Donc c'est Ibn Abbas aussi, et beaucoup de mufassirin. Petit 4. Wa hiya al-qawl al-thabit fi qawli ta'ala. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil-qawli al-thabiti fi hayati al-dunya wa fi al-akhirah. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin. Wa yaf'alu Allahu ma yasha. Kama qala كثير من أهل التفسير. Comme l'a dit donc beaucoup de mufassirin. Allah a affirmé ceux qui ont cru par la parole ferme. Donc la parole qui est thabita, elle est ferme et elle est consolidée dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et dans l'au-delà. Et si fil akhira, je pose une question. Fil akhira, c'est quoi? Fil qabr. Pourquoi? Parce que le soual est dans la tombe. Et on sait que le qabr, c'est, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, awwalu manazil al-akhira. Car la tombe, c'est la première demeure de l'akhira. Donc ici dans le hadith, dans le verset, le tafsir du al-akhira, c'est la tombe. Donc elle a affermi ceux qui ont cru par la parole, donc ferme et consolidée, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, donc dans la tombe. L'au-delà ici veut dire la tombe. On est questionné quand? Dans notre tombe. Donc c'est par rapport à cette réponse. Et Allah guide, plutôt, et Allah égare les injustes. Et Allah égare les injustes, et Allah fait ce qu'il veut. Et Allah fait ce qu'il veut. Et cela, bien sûr, a été mentionné par beaucoup de mufassirin, comme At-Tabari, Ibn Kathir al-Barawi, et Zad al-Masir. Cinquièmement, c'est « Wahia kalimatu taqwa » fi qawli ta'ala. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. Et il aura donc rendu obligatoire أَلْزَمَهُمْ la parole de piété. Et ici Allah Azza wa Jal mentionne les compagnons, et il dit bien que ce sont les personnes les premières à cette parole, si on termine le verset. Donc c'est par rapport aux compagnons du prophète, que je donne Allah alayhim dans le tafsir. Ici on parle des compagnons. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. Et il aura donc obligé la parole de piété. Donc Ali, Ibn Abbas, Ibn Omar, Qatada, Mujahid, Atta et d'autres parmi les salafs et les khalafs, donc on va dire Jumhur, la majorité des salafs ont dit que c'était la ilaha illallah. Sixièmement, wa hiya al-hasana fi qawlihi ta'ala man ja'a bil hasanati falahum khayrun minha wa hum min faza'in yawma idin aminun. وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطائفة من السلف. Sixièmement, c'est la hasana. Vous connaissez la hasana? Donc c'est la bonne action, c'est quelque chose qui est bon. Celui qui vient avec la bonne action, il aura meilleur que cela. Et ils seront en sûreté par rapport au faza, par rapport donc à l'effroi. Ils seront donc en sûreté face au faza, à cet effroi le jour dernier. Pourquoi? Par cette prononciation. Cette prononciation qui est sincère, dont bien sûr le sens et les conditions sont respectées. On a qui ici? On a donc le salaf, les compagnons et leurs élèves. Ici, lorsqu'on voit Mujahid, Ikrima, ce sont les élèves de ceux qu'on voit, hein, des compagnons qui sont Mufassirin. Septièmement, Wahiya al-Ni'am al-Zahira wal-Batina. Allah Azza wa dit وَأَصْبَغَ عَلَيْهِمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. Donc ce sont les grâces octroyées par Allah, apparentes et cachées. Et Allah dit donc qu'il leur a façonné de la meilleure façon, il leur a été octroyé de la meilleure façon, أَصْبَغَ عَلَيْهِمْ. Ces grâces apparentes et cachées. Et Ibn Abbas, Mujahid et d'autres salaf ont dit que c'était la ilaha illallah. Car c'est la première grâce, c'est la plus importante. وهي العروة الوثقى في قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى في قول سعيد ابن جبال والضحاك. Donc toujours parmi les ulama, parmi les mufassirin, les grands ulama parmi les salaf. On retrouve ça dans Tabari, Ibn Kathir, généralement, c'est, même si je ne lis pas le Tafsir, ça vient, mais on retrouve surtout Tabari, Al-Barawi, Ibn Kathir, généralement on les retrouve. Donc c'est la rance la plus solide, lorsqu'Allah dit, la ikraha fi din, nulle contrainte en religion. Certes, donc la rojd, donc ici la guillée, c'est-à-dire en vérité, Rojd, hein? Le bon chemin. Le bon chemin, ils écrivent comme ça dans la traduction. Donc le bon chemin a été montré face, c'est-à-dire à l'égarement. Face ici, donc on va être à l'égarement. Hein? Donc il y a ici. Donc le fait que cela est montré clairement, le bon est montré clairement et le mauvais est montré clairement. Alhamdulillah, on a des preuves de ce qui est bon, on a des preuves de ce qui est mauvais. Tout a été montré. Et celui qui mécroit au tarot et croit en Allah, c'est donc accroché à la hanse la plus solide. Et ici, la hanse la plus solide, bien sûr, on a beaucoup de tafsir, que c'est l'islam, que c'est le Coran, donc c'est le Coran, que c'est l'islam, que c'est le Coran et la Sunna. Et aussi, parmi donc, les paroles de Sa'im Nujibal al-Dahak, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Et tous ces tafsirs, bien sûr, ne sont pas en contradiction. Parce que là, il y a un c'est l'islam. C'est aussi le Coran et la Sunna. Il n'y a pas de contradiction. Ce sont en vérité des paroles différentes, mais en vérité qui reviennent au même but et à la même chose. Huitièmement, وَهِيَا الْقَوْلُ الْأَحْسَنُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَا أَحْسَنُ. Donc c'est la meilleure parole. Et Allah Azza wa Jalla dit à mes serviteurs qui prononcent la meilleure parole. Dites à mes serviteurs de prononcer ce qu'il y a de meilleur. Et ici donc il y a aussi un groupe parmi les Mufassirin qui ont dit que c'était aussi la ilaha illallah. Neuvièmement, wa hiya al-husna fi qawlihi wa saddaqa bil-husna. Il a cru, il a rendu véridique al-husna. Il y a aussi quelques salafs qui ont dit que c'était aussi donc la ilaha illallah. Dixièmement, wa hiya min al-baqiyat as-salihat. Elle fait partie des baqiyat as-salihat. Comme dans Surat al-Kahf, Al-Mal wal-Banoun, Zinatul Hayat al-Dunya, Wal-Baqiyat al-Sadihat, Khayrun inda Rabbika, Thawaba, Wa Khayrun Amala. Donc, Al-Mal wal-Banoun, donc les biens et les enfants sont une beauté pour la vie de la Dunya. C'est en vérité une fitna pour nous. Et celles qui demeurent, et celles qui sont donc pieuses, sont meilleurs auprès de ton Seigneur en récompense et en vertu, en meilleure espérance. Et certains salaf ont dit que c'était la ilaha illallah. Et on sait qu'on a, de toute façon, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, font partie justement de cela. C'est pour ça qu'il a dit ici, wa hiya min al-baqiyat. Il a dit parmi les, il y a les baqiyat al-salihat. Wa hiya al-kalimat al-baqiyat allati ja'ala Allah, yani ja'alaha Ibrahim alayhi salam fi عقبه كما قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Comme on dit donc plusieurs salafs parmi les mufassirines. Et il a fait donc cette parole, donc une parole qui reste sur donc son cou ou sur ses épaules, en espérant qu'ils vont revenir. Il les a laissés donc sur lui. Cette parole-là, il ne l'a pas lâchée. Ibrahim alayhi salam, c'est donc Imam al-Muwahhidin, celui envers lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous demandé de revenir vers lui, de le prendre en exemple dans le Tawhid. Il a même demandé au prophète Mohammed de le prendre en exemple dans le Tawhid, Ibrahim alayhi salam. Ce qui fait que c'est le meilleur envoyé après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le second, c'est celui qui est meilleur après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a même été demandé de le prendre en exemple dans le Tawhid. Et il a montrer donc les meilleures façons d'appeler les gens à l'unicité. Les façons que les procédés d'Ibrahim, alayhi salam, dans le Tawhid, ce sont les procédés avec, à partir desquels le musulman doit donc appeler les gens. Deuxièmement, وَهِيَ الْحَقُّ فِي قَوْلِ تَعَالَى لَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ شَفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. C'est aussi la parole, donc le haq, la vérité. Dans la parole d'Allah, lorsque donc on va prendre juste la fin du verset, sauf ceux qui ont attesté en toute vérité alors qu'ils savent. Et le tafsir c'est illa man shahida bi la ilaha illallah, comme dit Ta'ifa min al-Mufassirin parmi Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Sauf ceux qui attestent, wa hum ya'lamoun. C'est-à-dire que yashhadoun, ils reconnaissent, wa ya'lamoun, ils connaissent quoi? Ma'aniha wa shuruta. Ils connaissent ses essences et ils connaissent les shurut. Donc ils ont l'ilm de la ilaha illallah. Et c'est ça qu'ils m'ont dit chez nous. C'est l'ilm. Fa'alam annahu la ilaha illallah. On l'a vu. Donc c'est pas le ce ne s'arrête pas juste à la prononciation. Treizièmement, Mashallah, il y en a. Et pourtant, Chéri dit, j'ai donné juste une. Il n'y a pas tout donné. Il y en a. Wa hiya al-masal al-a'la. C'est le plus grand exemple, l'exemple le plus haut. Fi qawlihi ta'ala wa lahu al-mathalu al-a'la. Et c'est lui qui a l'exemple le plus haut. Hein? Donc c'est un qawl de Mujahid, de Qatada, et aussi Ibn Jarir al-Tabari, donc aussi, là aussi donc, mentionné. Wa hiya al-kalima allati hiya aqwa fi qawlihi ta'ala. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. C'est ce Coran appelle à ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus juste, de plus droit. Ce qu'il y a de plus droit. Et de plus droit ici, donc certains Moufassélines ont dit que c'était, et parmi eux les mêmes Al-Barawi, ils ont dit que c'était donc la ilaha illallah. Quinzièmement, wa hiya al-'ahdu fi qawlihi ta'ala illa man ittakhadha 'inda ar-rahman 'ahda. Sauf pour celui qui a pris un pacte auprès de son Seigneur, auprès du miséricordieux. Il a pris auprès du miséricordieux un pacte. Et ce ahd, c'est quoi? C'est un acte. C'est un acte. C'est pour ça qu'on l'appelle l'aqida. Il a fait un acte. Il a dit la ilaha illallah. L'aqida, c'est un pacte que tu as fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les Mufassirin, Ibn Abbas et Qatada. Et d'autres encore. Ibn Abbas, il n'y a pas Qatada Afwan. Ibn Abbas et d'autres encore. 16e. وهي الدين الخالص في قوله تعالى ألا لله الدين الخالص. N'est-ce pas qu'appartient à Allah la religion pure, الدين الخالص, la religion qui est pure, saine. Et ici Qatada et d'autres mufassirin ont dit que c'était la ilaha illallah. 17e. وهي العدل في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. c'est la justice. Et dans la parole d'Allah, certes, Allah ordonne la justice et la bonté. Et ça, c'est une parole d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma. وَهِيَا الْقَوْلَ الصَّوَابِ. Donc la parole juste, la parole qui dit juste. إِلَّا مَنْ أَذْنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابَ. Sauf celui dont le miséricordieux lui permet, lui donne la permission et il dit la vérité. Il dit juste, il ne se trompe pas dans ce qu'il va dire. Et c'est encore une parole d'Ibn Abbas et Ikrima et la majorité des Mufassirin. وَهِيَا الكلم ها الكلم والكلم الطيب في قوله تعالى وإليه يسعد الكلم الطيب. Et c'est la bonne parole qui est dite dans la parole d'Allah ici, dans la traduction ici qui est relative, et vers lui monte la bonne parole. Ça, c'est un délit qu'Allah il est fils de sa main, parce que la parole vers lui monte. S'il était partout, on n'aurait pas besoin de dire monte. On pourrait descendre, on pourrait mettre sur le côté, on pourrait tout simplement ne pas bouger, d'accord. Et Allah il est bien dans, sur les cieux, il est bien au-dessus des cieux, subhanahu wa ta'ala. Et fi en arabe ça veut dire sur aussi, comme on dit amshi fil ard, pourtant je suis ala al-ard, je suis sur la terre, pourtant ana fil ard, je suis sur la terre. Fi ça peut être sur en, d'accord, fi bimana ala, parce que certains jouent avec ces mots là fi, comme s'ils voulaient dire c'était que à l'intérieur. Ça peut vouloir dire à l'intérieur, on vit pas à l'intérieur. On n'est pas en dessous de la terre, on est au-dessus. Et ça, c'est parmi les paroles d'Ibn Abbas et d'autres. 20e, et ça s'arrête à 25, وَهِيَا الطَّيِّبِ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ. Donc, طَيِّب, parmi les bonnes paroles. Les bonnes paroles. طَيِّب, c'est donc ce qui est bon. Ibn Abbas et d'autres salafs ont dit cela. Et Ibn Jarir aussi là, donc l'a choisi comme parole. Ibn Abbas a choisi cette parole. Ibn Jarir, Afwan, Tabari. Ibn Jarir, Tabari, c'est l'imam des Mufassirin. C'est le premier Mufassir. Généralement, tout est tafsir revient à lui. Revient à lui. Rahmatullah ta'ala. Vingt-et-unièmement, il y a al-kitab al-ladhi awrasahu Allah al-ladhi nastafa min ibadihi fi qawli ta'ala. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. Et ça, c'est quelques salafs qui ont dit cela. Et puis nous avons hérité ce livre à ceux qu'on a choisi parmi nos serviteurs. Et après Allah mentionne, il mentionne trois catégories de serviteurs. Zalimun nafsi muqtasib wa sabiqun bil khairat. Zalimun nafsi, parce que ses péchés sont plus grands que ses hasanat. Muqtasib, il est équivalent. Il fait les bonnes actions, il fait les sunnah, mais il fait quand même des péchés. Il fait de mauvaises, il délaisse les mauvaises actions, mais ça arrive de trop sombrer. Parce que Sabekhun Bede Khayrat, il fait que du bien. Il fait du bien, les obligations, il fait aussi les sunnah, il délaisse ce qui est haram, il délaisse même ce qui est makrouh. Et parmi les Muqtasidin, donc plutôt les Sabekhun Bede Khayrat, les compagnons, et avant eux, bien sûr, les prophètes. Et c'est pour ça que lorsqu'Allah a mentionné les juifs et les chrétiens, il dit que qu'ils étaient Muqtasidun. Il les a appelés Muqtasidun. C'est pour ça que certains ulama ont dit qu'ils n'ont pas connu As-Sabiqun bil Khairat. Ça, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jalla, c'est ça spécial pour la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. As-Sabiqun bil Khairat. Ulaika yusari'un fil Khairat. Wa-Sabiqu ila maghfiratin min Rabbikum. Wa-Sabiqu al-Khairat. Il y a plusieurs versets qui montrent cela. Donc, concurrencez-vous dans les biens. Et empressez-vous vers les biens, tout ce qu'il y a comme délit. Ceux-là sont ceux qui s'empressent vers les biens. Allah montre. Et on les appelle aussi Al-Abrar, ou bien Al-Mukarrabun. Lorsque vous voyez Al-Abrar et Al-Mukarrabun, et vous voyez les actes, vous savez que ce sont As-Sabiqun bil Khayrat, ce sont liés. Abrar, donc une personne pieuse. Al-Bir. Al-Bir, regardez dans, si je ne me trompe pas, verset 176 de Sourate Al-Baqarah. 176. C'est en plus au milieu de la Sourate Al-Baqarah, et il mentionne tout ce qu'on retrouve dans Sourate Al-Baqarah. Et il va mentionner aussi quelle est la personne pieuse. Verset 176 de la Sourate Al-Baqarah. Et sous celle Muqarrabun, ceux qui se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici ici. As-Sabiqun bil Khayrat. C'était un aparté, mais Inch'Allah en profite entre nous. 22e. وَهِيَا الصِّدْقِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Et ceux qui viennent avec la vérité et ont donc rendu cela véridique, ce sont eux les personnes qui craignent. Ce sont eux les muttaqun. Et ça, c'est parole de l'Ibn Abbas. Donc, cette récit, c'est quoi? C'est La ilaha illallah. Là, troisièmement, Wa hiya ad-din al-wasib fi qawlihi ta'ala wa lahu ad-din al-wasib. Wa lahu ad-din wasiba. C'est une parole de Ikrima. Donc, ici, on regarde dans le dictionnaire, dans le Coran arabe, vous l'avez ici, français arabe, le Coran. Allez voir Sunat al-Nahl, verset 52. Hein, les abeilles, verset 52. Coran français arabe. Il n'y en a pas? Pour savoir comment ça a été traduit. Taïb. Wahia al-Kalima. Al-Kalima al-Sawa. Ay al-Adl. Donc la parole qui unifie, la parole, donc la même parole. La même parole. Et al-Adl. Parole juste, c'est-à-dire. Fisqol et ta'ala. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. Dit, aujourd'hui, venez à une parole donc unique, donc la même parole, une parole qui est pareille, entre nous et vous. Donc entre vous et nous. Et c'est la ilaha illallah. Donc c'est aussi donc l'explication de certains mots faciles. La cinquième, dernièrement, ici, وَهِيَا الْقَوْلُ السَّدِيدِ فِي قَوْلِ تَعَالَى وَقُلُوا قَوْلًا سَدِيدًا وَقُلُوا قَوْلًا سَدِيدًا. C'est la parole d'Ibn Abbas et d'Ikrima. Donc, Nahal, Zabay 52. وَقُلُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dites une parole en vérité qui est sadide, qui est juste, qui est bonne, qui est droite. Et ici, c'est la ilaha illallah. Vous avez vu, on a vu combien de versets hein, qui donnent l'explication de la ilaha illallah, et si on en a vu 25. Donc ici, à lui appartient ceux qui sont sur la terre, et c'est à lui qu'est dû le culte éternel. Ici. Hein? Donc à lui qu'est dû le culte éternel. Voilà comment c'est donc traduit dans le noble Coran. C'est par qui ce Coran? Ah, c'est ce que fait par tout le monde là. Ouais, d'accord. Je pense pas que c'est le meilleur. Parce qu'ils veulent ramener des explications qui sont bien à eux. Quoi. Amma as-sunna an-nabawiyya faqad takasarat fiha al-ahadith al-mubayyina fadl hadhihi al-kalima al-azima wa sawfa antaqi jumlatan min fadailiha al-warida fiha. Donc, bien sûr, la sunna, alhamdulillah, donc ce qui prouve cette parole, c'est répondu. Et aussi, on va encore une fois aussi lire quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionnent les bienfaits de la ilaha illallah. Awalan, annaha awwalu arkan al-islam wa ala shu'ab al-iman wa a'la shu'ab al-iman wa arfa' maqamat al-din wa asl usulihi. Premièrement, c'est quoi donc? C'est le premier pilier de l'islam. Et c'est le degré le plus haut de la foi. Et c'est la place la plus haute et la plus importante de la religion. Et c'est la base de ses bases. C'est pas trop franc, c'est pas franc. Là, là, c'est parce que des fois je sens un peu de fraîcheur. Non, allez, je laisse. Mais je dis ça pour toi, parce que t'es en dessous. Qala sallallahu alayhi wa sallam, bunya l'islamu ala khamsin. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت والصوم يعني والحج والصوم رمضان. Donc النبي صلى الله عليه وسلم dans un hadith que vous connaissez qui dit donc hadith Ibn Omar qui dit que l'islam a été bâti sur cinq. Donc l'attestation de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, de l'accomplissement de la prière, de l'acquittement de la zakat, donc de l'aumône légale, du pèlerinage et du jeûne pendant le mois du Ramadan. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittun shu'ba. Fa afdaluha qul la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq. Wa al-haya shu'batun min al-iman. Ici, il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, la foi est composée entre Bédron, c'est un chiffre qui est entre 3 et 9. Donc, entre 73 et 69, on va dire entre 73 et 79, ou bien 63 et 69. D'accord ? Donc, on va dire 60 aidés et 70 aidés. Par qui ? Et la meilleure est la ilaha illallah, c'est la plus haute. Parce qu'il y a une version qui dit fa'a'la, ici fa'afdaluha. C'est la parole de la ilaha illallah, c'est la plus importante. Et la plus basse, c'est retirer ce qui gêne de la route. Et la pudeur fait partie de la foi. Deuxièmement, anna sahibaha as'adun nas bi shafa'ati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fa qala sallallahu alayhi wa sallam as'adun nas bi shafa'ati man qala la ilaha illallah خالصا من قلبه أو من نفسه أو نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari Kitab al-Ilm, la personne qui sera la plus heureuse, c'est pas, hein, en recevant mon intercession, est celui qui dit la ilaha illallah en ayant quoi, donc ici un cœur sincère, donc sincèrement de son cœur ou de son fort intérieur. Et ici on a un délil comme quoi que la sincérité c'est un shart par rapport à cette preuve. Ça c'est un délil. Petit 3, annaha awwalu ma yu'maru bihi fi min ad-din. Troisièmement, c'est la première chose qu'on ordonne les gens dans la religion. Lorsque quelqu'un veut entrer dans l'islam, comment on fait? On lui fait prononcer la shahada ou bien? Hein? Voilà. On commence par quoi d'abord? Tu vas le faire prononcer? Il veut entrer dans l'islam, ça y est. Tu le fais prononcer la shahada. T'as une mas'ala, la douche, pour ceux qui sont dans l'islam. C'est après ou c'est avant? C'est avant quoi? C'est pas après. Faites une recherche, Inch'Allah. Vous allez arriver à quelque chose, faites la recherche. C'est avant ou c'est après? Il y a raison. Ça, c'est parmi les preuves pour ceux qui disent que c'est avant. Mais il y a des ulama qui disent que c'est après. Vous avez vu, il y a démarré. C'est vrai. Donc continuez. Vous avez vu ça, ce qu'il dit, c'est vrai, c'est parmi les preuves. Non. Qala alayhi salatu wassalam li Mu'adh radiallahu anhu innaka tati فأتي قوما من أهل الكتاب من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen, radiallahu ta'ala anhu, il dit, certes, tu vas donc te rapprocher, faire face, tu vas aller donc à la rencontre des gens du livre, à un peuple des gens du livre, et appelle-les à l'attestation de la ilaha illallah et que je suis l'envoyé d'Allah. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a commencé par ça. C'est arrivé une fois qu'une personne, donc il discutait donc un chef, un grand chef des frères musulmans en France. C'est une tête qui passe des fois à la télé. Il parlait avec un jeune parmi les gens de la Sunna. Il lui a dit, moi, quand je parle aux gens, je ne leur dis pas comment prie. Je leur demande de réussir dans la société. Sa dawa, c'est de réussir dans la société. Elle a dit, je ne l'appelle pas par le commencement de la prière. Et nous, on lui répond, d'abord, si tu devais commencer, tu ne commencerais pas par la commencer par la prière. Tu commencerais déjà par lui faire attester la shahada. Si tu appelles quelqu'un à l'islam, tu commences par lui faire l'attestation. Tellement ils sont loin du tawhid, ils ne pensent même pas à dire ça. Même dans son égarement, ils sont encore égarés. Parce qu'il dit, j'appelle à la prière au début, alors qu'il n'a même pas appelé à quoi? À l'attestation. Naam, comme ça. j'ai cette entreprise et j'en suis fier. Voilà. Et naam. Vous voyez l'égarement ? Ces gens-là, il y a 15 ans, il y a 20 ans, ils ne disaient pas ça. Les frères musulmans, il y a 20 ans en France, ils ne disaient pas ce qu'ils disent maintenant. L'égarement, ça commence toujours par petit à petit, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on est tellement loin de la vérité qu'on ne sait plus où elle est. Tant qu'on est. Celui qui s'égare un peu, il voit la vérité, elle est encore proche de lui. Mais plus il s'éloigne, plus ça y est, plus il est aveuglé de la vérité. Naam. وفي رواية أخرى في الصحيحين ليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. Et la première chose dont tu vas les appeler, c'est d'adorer Allah عز وجل. C'est toujours lui parler de وحده لا شريك له. Tu vas commencer par cela. Quatrièmement, أنها السبب الفلاح. Donc c'est la cause de la réussite, quatrièmement. فقال صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Dites لا إله إلا الله, donc vous serez heureux, vous réussirez. Vous réussirez. Rapporté par Ahmed. Et donc Cheikh Albani donc l'a mentionné dans les Sahih Sira. Il mentionne dans Sahih Sira. Cheikh Albani rahmoullah. Cinquièmement, أنها سبب عصمة الدم والمال. Et c'est la cause de l'عصمة. C'est la cause de l'عصمة dans le dam et le mal. Donc de quoi en vérité? De protéger son sang et ses biens. Ça, عصمة مني من ماله ودمه وعرضه وحسابه على الله. Pour celui qui shahade, pour celui qui entre dans l'islam. Son sang et ses biens sont protégés. Ainsi que son honneur, bien sûr. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. Donc j'ai été ordonné de combattre les gens. C'est-à-dire de faire les efforts. Si le combat, ce n'est pas pour eux. Donc de faire les efforts sur les gens. Jusqu'à ce qu'ils attestent que la ilaha illallah et que Mohammed Rasulullah. Et qu'ils accomplissent la prière. Et qu'ils s'acquittent de la zakat. Et s'ils font cela, leurs biens et leur sang et leurs biens sont protégés de moi. Sauf que mon droit et leur blessure, leur hissab et leur compte sont auprès d'Allah. Hein? Donc ici quand on dit qatilou, c'est jami'an al-qital, c'est pas seulement ça, mais c'est aussi ça, mais c'est pas seulement ça. Wa hisabuhum ala Allah. C'est-à-dire qu'on juge les gens selon leur apparence. Et on n'entre pas dans les niyettes. Leur compte sera auprès d'Allah. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui ne connaît pas en vérité quoi? Ghaib. Par rapport à cela. Ça, c'est un dalil qu'un nabi s'en y connaît pas la règle. Parce qu'il a dit وَحِسَابُهُمْ Allah. Sixièmement, أَنَّهَا أَفْضَلُ الذِّكْرِ وَخِيرُ الْقَوْلِ فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم خِيرُ الدُّعَاءُ دُعَاءُ يَوْمَ عَرَفَةٍ وَخِيرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit la meilleure dua, la meilleure invocation est celle qui est prononcée le jour de Arafat. L'après-midi de Arafat, c'est le meilleur après-midi qui existe dans l'année. D'accord? C'est le meilleur jour. Et la meilleure parole que j'ai prononcée, donc moi-même ainsi que les prophètes avant moi, c'est la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Septièmement, c'est la cause de l'expiation des péchés. Donc c'est une raison pour que les péchés soient expiés. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله له. Donc chaque nefs, chaque âme qui meurt alors qu'elle atteste La ilaha illallah et que je suis l'envoyé d'Allah. Cela revient à un cœur de quelqu'un qui est certain. Revient à un cœur, en vérité, d'une personne qui est certaine. Hein? Donc, chaque personne qui prononce cela, certes, Allah, donc quoi, lui pardonne. Allah pardonne à cette âme. Illa ghafara Allahu laha. Wa annaha sababu tasqil al-mizan. Et c'est aussi la cause de la lourdeur de la balance. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سيقلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجيلا كل سجيل مثله يعني مد البصر. Certes Allah donc va amener une parole ou va purifier une parole parmi ma communauté devant tout le monde, devant à la rouus, c'est-à-dire sur la tête de tout le monde le jour dernier, et il va lui poser 79 registres. Et chaque registre est aussi grand que l'horizon, la vue, là où ta vue s'arrête. Thumma yaqul atunkiru min hadha shay'a. Est-ce que tu renies quoi que ce soit de cela? Renies-tu une seule chose de cela? Hein? Azala makayani. كذبتي الحافظون فيقول لا يا رب. Il va dire لا يا رب. Donc est-ce que ceux qui ont écrit, hein, est-ce que ceux qui sont écrits, est-ce qu'ils ont été injustes envers toi? Donc les anges ont-ils été injustes envers toi? Il dit non. Au Seigneur, فيقول أفلك عذرا. Est-ce que tu as une excuse? فيقول لا يا رب. Non. Au Seigneur, فيقول بل إن لك عندنا حسنة. Mais tu as chez nous, donc tu possèdes donc chez nous une hasana. فَإِنَّهُ لَا إِنِ ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ. Il n'y a pas d'injustice envers toi ce jour. فَتَخْرُجُ الْبِتَاقَ فِيهَا أو تُخْرَجْ بِتَاقَ فِيهَا. Il sort ici donc une bitaqa, une carte où il y a أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَا لَاللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ. Donc c'est ça la bitaqa. Hadith al-bitaqa, vous connaissez ce hadith. On en parle beaucoup. Hein? Donc voyez un petit peu, qu'est-ce qu'il avait. Il avait donc cette bitaqa. Ordo. Waznuk. Fayakul yarab. Ma hadith bitaqa ma hadith jilat. Donc amen. Et présente. Donc ton poids, ce poids, il a dit, oh Seigneur, qu'est-ce que cette balance par rapport à ces registres? Qu'est-ce que cette bitaka, cette petite carte, par rapport à ces registres, 99 registres? Faqal innaka la tuzlam. Allah dit, certes tu ne seras pas, donc on ne commettra pas la justice envers toi. Fatudaw sijilat fi kiffa. Ou fi kiffa. On va poser sijilat, ces registres, fi kiffa dans. Donc, c'est-à-dire une balance, à côté. Et le bitaqa donc de l'autre côté. Fatashat et sijilat. Qu'est-ce qu'il y a eu? Elles se sont envolées. Tellement, la bitaqa est bien plus lourde que le sijilat, donc les registres se sont envolés. Wasakulat al bitaqa. Et la bitaqa elle était lourde. La yathqulu ma ismillahi shay. Car rien n'est lourd face au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith est rapporté par Tirmidhi dans Kitab al-Iman. Et Ibn Majah. Et Ahmed, et il a été authentifié par Cheikh Al-Albani, rahmallah. Et Cheikh Al-Islam, rahmallah, il dit par rapport à cela, donc, فَإِنْ قَالَهَا أَيْ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ عَلَى وَجْهِ خَصْ بِهِ مِنُ الشِّرْكِ إِنْ خَلُصَ بِهِ مِنُ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ دُونَ الْأَصْخَرِ وَلَمْ يَأْتِي بَعْدَهَا بِمَا يُنَاقِدُ ذَلِكَ فَهَذِهِ الْحَسَنَةِ لَا يُقَاوِمُهَا شَيْءٌ مِنَ السَّيِّئَاتِ فيرجع بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة. Donc il dit chez l'Islam Ibn Taymiyyah rahmahullah dans Tafsir ayat yani ashkalat, donc ça arrive de chez l'Islam Ibn Taymiyyah rahmahullah, il dit s'il dit et qu'il prononce cette parole de tawhid comme il le faut, avec, donc il est sincère, il le dit de façon à ce qu'il n'associe pas à Allah Azza wa Jal, hein, donc il n'associe pas à Allah Azza wa Jal, donc mais sûr dans le grand associationnisme et aussi sans le petit, et qu'il ne vient pas à commettre après cela ce qui vient contredire cette parole-là, donc cette hasana, cette bonne action, rien ne la prévaut, rien n'est équivalente, et rien n'équivaut parmi les seyyi'at, parmi les péchés par rapport à cette parole, si elle est donc prononcée de façon véridique, de façon sincère. Et donc elle va prendre la place dans Mizan de Hasanat. Elle va en vérité, donc elle va avoir de l'importance, et elle sera lourde dans la balance des Hasanat. Donc comme il a été mentionné dans le hadith al-Bitaqa. Donc je m'arrête là. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان شاء الله termine donc après toujours avec ça et avec les shurut de la ilaha illallah. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.